imbibé au futur bien noir. Bois de la canette, sans pas de soucis. Comme des moutons, troupeaux dociles, parqués en clan. La douce gazelle, bouge-toi de là et montre les dents. Laisse pas bouffer ton oxygène. Bouge-toi de là et montre les dents. Laisse pas bouffer ton oxygène. Laisse pas bouffer ton oxygène.